Découvrez une affaire particulièrement sensible dans Le Souffle de la Nuit. Au bois de Vincennes, un policier est retrouvé mort. La mise en scène fait penser à de la magie noire. Tueur sadique, crime organisé, et si cette simple enquête criminelle devenait une affaire d'État ? Le roman « Le Souffle de la Nuit » d'Alexandre Gallien est disponible en librairie aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une énergie carbonée. C'était il y a 40 ans. Il s'appelait Supernana, David Grossex, Jean-Yves Lafesse ou Robert Le Haineux. Elle et eux, c'était quelques-uns des animateurs les plus turbulents de la radio libre, la plus libre de la bande FM, Carbone 14. Cette radio a sévi sur les ondes entre le 14 décembre 81 et le 17 août 83. À peine 2 ans, mais 2 ans aussi indescriptibles que mémorables. Carbone 14, une radio culte dont les quinquas et certains seigneurs d'aujourd'hui doivent se souvenir avec peut-être autant d'émotion que de fou rire. Car sur ces ondes, tout semblait permis. Sortir les pires grossièretés à l'antenne, écorner les pouvoirs installés, inventer les canulars les plus noirs, aligner les blagues débiles et les chansons obscènes, voire suprême transgression, inviter un couple à faire l'amour en studio et en direct. C'est de l'explosion des radios libres que vont naître Énergie, Nova ou encore RFM. Et parmi celles qui se sont immédiatement distinguées, Carbone 14 est la plus effrontée. Franchissant régulièrement la ligne jaune, elle va finir par inquiéter le pouvoir socialiste qui aura raison d'elle. Notre invité aujourd'hui, Jean-François Galotte, animateur sur Carbone 14, que les auditeurs connaissaient tous sous le nom qui brille par sa drôlerie et un peu de son immodestie, David Grossex. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Vincent Lebrun, récit documentaire de Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Gaume. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 11 septembre 1981. Paraît dans la rubrique chérie du journal Libération une petite annonce ainsi formulée. Radio dite libre cherche animateur ou animatrice pour s'en payer une tranche horaire. Prix en fonction de la pub ou pas. D'ici là, délire à gogo et à l'œil, si tu as des idées originales et pas mal de temps libre, appelle Gérard. Message suivi d'un numéro de téléphone bien sûr. Le Gérard en question s'appelle en réalité Dominique Femi. D'origine corse, haut en couleur, c'est un publicitaire habile, voire combinard, qui cultive beaucoup d'amitié à gauche, mais aussi à droite. Ami du fabusien Claude Bartolone, dont il assure avoir favorisé l'élection à la députation en juin 81, Femi est également en cheville avec le député maire RPR du 14e arrondissement, Yves Lancien, qui va l'aider à lancer son projet. Pour financer sa radio, dite libre, Femi dispose de 500 000 francs, soit un peu plus de 75 000 euros, ce qui pour l'époque représente une somme à peine suffisante pour faire tourner une radio. En tout cas, certainement pas pour payer les animateurs. En clair, les volontaires qui veulent parler dans le micro ne seront pas payés. La date à laquelle Femi publie l'annonce, le 11 septembre, n'est pas du hasard. 2 jours plus tôt, en effet, Georges Filliou, nouveau ministre de la Communication, a présenté en Conseil des ministres son projet de loi mettant fin au monopole d'État de la radiodiffusion. Une réforme très attendue par les animateurs de radio libre et une partie de l'opinion publique qui va ouvrir la voie à la création d'une centaine de nouvelles antennes sur le territoire français, là où ne régnaient jusque-là que les grandes stations comme France Inter, Europe 1, RTL, RMC et Sud Radio. Une libération dont un reportage de France de ce fait l'écho le 14 septembre 1981 dans les locaux d'une petite radio. Paris, sur le toit d'un immeuble anonyme, une drôle d'antenne, l'antenne pirate de Radio Décibel. Juste en dessous, au 12e étage, les animateurs, Anne et Paul, qui ont transformé leur chambre en studio. Aujourd'hui, il y a 80 stations rien qu'à Paris. La Fédération Nationale des Radios Libres prévoit 1000 projets dans tout le pays avant la fin de l'année. Des chiffres qui semblent témoigner du formidable besoin de communiquer des Français. « L'annonce qu'a fait paraître Fénoux dans Libération attire quelques curieux qui ne manquent pas d'idées originales, justement. Parmi les premiers à répondre, Michel Fisbin, fils du sénateur communiste Henri Fisbin, qui va devenir la tête pensante de la station et s'illustrer à l'antenne sous le nom de Robert Le Haineux. Répond à l'appel également Jean-Yves Lambert, qui va se rendre célèbre sous le nom de Jean-Yves Lafesse. Et Jean-François Galotte, qui vient du théâtre de rue et dont le surnom David Grossex achève de donner le ton de la station, celui d'une gauloiserie fièrement revendiquée. Comme l'explique Galotte lui-même, qui revient sur les débuts de Carbone 14. La porte de la liberté, on va se découvrir. Bam, c'est parti comme ça, quoi. On va faire de la radio. Donc d'un seul coup, c'était formidable. Et la provoque est venue, évidemment. Au début, les émissions n'étaient pas terribles, il y avait de la bonne humeur. En fin de compte, ce qui était important, c'était le cru. C'était de bouger, de dire dans la tête des gens, « Ah, voyez, voilà, et vous pouvez parler, vous pouvez venir. » Le thème de la fête, merci, cette nuit, les maladies vénériennes qui vous grattent. Carbone 14 s'inscrit dans la tradition des radios pirates qui, jusqu'en septembre 81, se heurtaient au pouvoir giscardien. Radio Campus, Radio Ivre, Radio Verte, pour ne citer qu'elles, émettaient clandestinement. L'un de leurs slogans, 1789, prise de la Bastille, 1978, prise de la parole. Pour tenter de diffuser ici ou là une parole libertaire, leurs animateurs risquaient la prison. Avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, les radios accèdent donc à la liberté. Sur 87.2, Carbone 14 se singularise. Elle n'est pas la voix d'une communauté, d'une tendance politique ou d'un quartier, non. Elle est avant tout une radio avec un émetteur puissant et les moyens de diffuser sur tout Paris 24h sur 24. Michel Fisbin, ingénieur chimiste de formation, incite les animateurs à être libres, avec même le droit de se planter. Oui, libre d'aller trop loin ou pas assez. Travailler la matière sonore, comme le dira plus tard Jean-Yves Lafesse. Et si Carbone 14 est resté dans les mémoires, c'est bien justement pour son ton qui fait signature. Tic, tic, tic, tic. Le jour d'ouverture de l'antenne est fixé au 14 décembre 1981. 14 comme Carbone 14, évidemment. Un nom qui renvoie aussi à l'arrondissement de Paris, dans lequel sont situés, au 21 rue Paul Fort, les studios de la radio. Un local de 600 mètres carrés qui appartient à Dominique Fénoux, le patron de la station. Comme l'indique le magazine Audience d'octobre-novembre 81, les animateurs se proposent de faire une radio caustique où une large place sera laissée à l'humour et au délire. C'est très clair, Carbone 14 ne cherche pas à se prendre au sérieux, contrairement à beaucoup de ses équivalents sur la bande FM parisienne. La preuve, avec cet extrait, sans filtre, de Vive la guerre, l'une des émissions phares de la station, avec Robert Le Haineux, David Grossex et Pascal Guioldez, alias José Lopez. Il est 11h, c'est l'heure de Vive la guerre, ouais. Jusqu'à 13h. J'ai pensé à un truc, ouais. On pourrait faire un sketch vraiment désopilant avec les Juifs. Non. Avec la rue des Rosiers, mon vieux, Beyrouth, on pourrait vraiment se marrer, s'éclater la tête. Non, non, mais c'est pas possible, ça. Non, c'est un truc qu'il faut pas faire. À cause de l'Holocauste. L'Holocauste, tout ça, c'est un petit peu douloureux. J'ai un truc mieux. Ouais. On fait les communistes. Malgré les premières incartades, un communiqué du 14 janvier 82 semble donner toute garantie aux auditeurs les plus sourcilleux. On peut y lire « La grille de nos programmes accorde une grande place à l'actualité des spectacles de Paris et de ses environs, théâtre, cinéma, concerts, et propose régulièrement une série d'émissions spécialisées. Voyages, histoire du jazz, poésie, ésotérisme, science-fiction, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pas seulement. » Parce que derrière la façade présentable de la station telle qu'elle se donne à voir, va se profiler un visage plus provocant. Très vite d'ailleurs, la radio va devenir celle par qui le scandale arrive. La réputation des Carbone 14 va se construire à coups d'imposture et de canulars stupéfiants de vérité. Fausse prise d'otage, faux suicide, fausse scène de ménage, faux témoignage de viol, les animateurs poussent le bouchon de plus en plus loin. Moi je viole, par envie, par instinct. Michel, est-ce que tu peux répéter le nombre de viols que tu as commis avec ta bande depuis 3 ans? Ce n'est pas un problème. Combien de viols as-tu commis sur Paris? Ce n'est pas un problème. J'en ai commis. Combien? Disons que j'atteins un peu plus de la vingtaine, mais ce n'est pas un problème. Toi seul? Moi seul, oui, avec mes copains qui vont arriver d'ici peu d'ailleurs, et ils sont 7. Enfin, si je me trompe pas, ça fait à peu près 140 viols commis sur Paris par votre bande. Cette séquence entièrement fausse, bien sûr, est fabriquée selon le sens de l'improvisation volontiers cynique de ses animateurs. En témoigne également l'émission 50 millions de voleurs qui donne aux auditeurs des conseils pour frauder le fisc, voler dans les supermarchés ou éviter de payer leur note d'électricité. La radio fabrique du happening à tour de bras et inonde ensuite la presse de communiqués pour faire parler d'elle. Plus tard, elle réussira à faire croire à la mort de Mick Jagger, information relayée par l'AFP et à organiser pour l'occasion une cérémonie devant le célèbre hôtel parisien Le Crillon. Carbone 14 ose tout, et c'est à ça qu'on la reconnaît. D'ailleurs, le slogan par lequel elle se définit est sans ambiguïté, la radio des cons, faite pour des cons et par des cons. Émettant non-stop, 7 jours sur 7, jusqu'à 15 km à la ronde, Carbone ravit ses auditeurs autant qu'elle en gêne certains. Et notamment parce que sa fréquence, 97.2, se trouvait toute proche de celle de France Musique. Les fans de la chaîne musicale de Radio France se plaignent de ne pas pouvoir écouter leur station préférée et d'être inondés de programmes qu'ils estiment agressifs. C'est vrai que Carbone 14 ne diffuse pas beaucoup de sonates de Beethoven. Légèrement tâtonnant au début, le style de Carbone 14 commence toutefois à s'affiner dès février 82 autour de l'émission phare de Jean-Yves Lafesse, La Fesse Merci. Bonsoir, vous êtes bien sûr Carbone 14, la radio qui vous encule par les oreilles. Au moment où à l'époque une grande radio généraliste publique a pour slogan pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, légèrement transgressive tout de même, celui de Carbone 14 donne dans un tout autre genre, on vient de l'entendre, la radio qui vous encule par les oreilles. Tout est dit. Chaque soir, Jean-Yves Lafesse orchestre des dialogues avec ses auditeurs, avec pour sujet de prédilection presque systématique, le sexe. Fantasme, meilleure manière de faire jouir son partenaire, pratique déviante, problème d'éjaculation précoce, tout y passe. Et Lafesse, souvent accompagné de gros sexe, pousse les auditeurs dans leur retranchement, n'hésitant pas, s'ils les estiment ennuyeux, à leur accrocher au nez. Beaucoup de mecs, après avoir éjaculé, ne dépendent pas. Ça, je peux te le dire. Donc, l'orgasme n'est... Ah, t'es dans ce cas-là, toi? Ben, souvent, c'est peut-être parce que c'était pas un orgasme terrible. Quand je veux dire, l'orgasme, il y en a toujours un pour les mecs, mais il est pas souvent terrible, ça dépend, quoi. Tu vois, faut transpirer, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, que ta partenaire ait joué avant que t'aies fini de te déshabiller, par exemple? Non, jamais. Eh ben, tu t'habilles mal. C'est ça, ouais, je crois. En avril 82, celle qui va devenir l'un des piliers de Carbone 14, Super Nana, de son vrai nom Catherine Pelletier, rejoint l'équipe. Elle a choisi son surnom en hommage à la chanson éponyme de Michel Jonas. Jusqu'alors employée du Crédit Lyonnais, elle racontait à Libération, en mai 2001, les conditions de son arrivée à la radio. Un jour 1981, un mec me largue. Je pleure, j'écoute la radio et je tombe sur Carbone 14 et sur Jean-Yves Lafesse, la star de la radio. Parler des gros et des grosses. J'appelle, je dis je suis grosse, belle, curieuse, et je baise. D'ailleurs, je vais venir vous séduire. Il est 4h du mat, je prends un taxi et je débarque dans les studios. En arrivant, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire, de la radio, pour pouvoir discuter en direct avec des gens. Oui, enfin ça c'est pour la légende. Plus vraisemblablement, Catherine Pelletier a répondu à une annonce pour être l'une des attachées de presse de la radio. Elle n'a pas été retenue, mais fascinée par l'ambiance qui régnait dans la station, elle a décidé de s'y incruster jusqu'à ce qu'on lui propose d'animer son propre show. Seule femme dans un monde de mecs, elle essuie de nombreuses humiliations avant de parvenir à inventer sa première émission, celle qui fera sa renommée et contribuera au succès de la radio, Poubelle Night. Avec t'as vu de gros sexe, Super. Faites-nous rire. Faites-nous l'amour. Ouais, faites-nous l'amour. Je te le fais. Faites-nous l'amour. Comme ça? Non. Non. Non. Non. Encore. Encore. Enfile-moi. J'aime ça. Faites-moi. Le mantra de l'émission est sans ambiguïté, je ne résiste pas au plaisir de vous le communiquer. Voilà ce que ça disait. Vous êtes flippé, vous êtes moche, vous êtes con, vous êtes toxico, vous êtes alcoolo, vous êtes seul, vous êtes sans homme, sans femme, sans chien, sans rien, téléphonez-nous. Dans Poubelle Night, Super Nana laisse libre cours à sa verve de sniper et à sa façon inimitable d'interpeller les auditeurs. Parce que je suis en panne là ce soir. Non mais laisse-moi t'expliquer. T'es en panne de quoi? T'es en panne d'aspirateur? Non. Le gars tout à l'heure avait un problème de radiateur. Oui. Moi j'ai un problème de poupée gonflable. Ouais, d'accord. Elle tient plus la charge. Ok, bah tu te branles et tu nous fais pas chier, hein. En février 82, alors que la radio n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements, Michel Fisbin décide de frapper un grand coup et d'organiser la première nuit de l'amour en direct. Mais oui, le programme s'appelle Hardcore. Il s'agit ni plus ni moins que d'inviter un couple à laisser libre cours à ses pulsions sexuelles en direct. Un flou entoure la diffusion de Zapping déculotté, mais à telle enseigne que le journaliste de l'AFP qui transmettra l'événement n'était pas présent dans le studio. Alors dès le lendemain, la presse déchaîne contre ce que certains nomment de la pornophonie. Devant les accusations de bidonnage, Dominique Fénoux décide alors d'organiser une semaine plus tard une autre nuit de l'amour en direct. Mais cette fois, il s'assure les services d'une professionnelle tarifée et l'affaire est dans le sac. Et là, la presse est présente et les photographes tentent, dans un climat d'anarchie complète, on imagine, d'immortaliser ce moment. Carbone 14, une fois de plus, aura réussi à faire parler d'elle. Même la presse internationale s'en fait l'écho. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il est 2h25. À 3h, il faut que j'ai un mec pour baiser ce soir. Bah, le reste, rien à foutre. Bah, je peux pas baiser avec toi parce que dans 3 minutes, je serai mort. Tu peux pas baiser avec moi? Dans 3 minutes, je serai mort. Tu seras mort de quoi? Bah, je serai mort de suicide parce que je suis suicidé. Très bien, merci, au revoir. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Avec le corps du jour, il paraît que t'as une grosse queue, c'est ça? Ouais. Qui mesure combien? 30 cm. Sans blague. Ouais. Et c'est la première fois que t'as découvert ça ? Camarade grosse queue ? Camarade grosse queue. La vie est ainsi faite à Carbone 14, peuplée d'instantanés inflammables qui menacent jour après jour de mettre la radio, comme le pape voulait mettre le préservatif, à l'index. Ainsi, un soir d'avril 82, des individus s'introduisent-ils dans la station pour y semer la zizanie. Dominique Fénoux, qui est présent, monte à son bureau chercher un fusil de chasse. Oui, il redescend et met les intrus en joue. Un coup part, l'un des hommes est blessé. Le lendemain, Fénoux est embarqué par la police. Bon, l'affaire sera classée sans suite, mais un peu de la joyeuse insouciance qui avait marqué les débuts de la radio se dissipe ce soir-là. Cela dit, la fête continue. Et malgré, ou à cause de sa réputation sulfureuse, la radio attire dans ses studios le gratin du showbiz, de Gérard Lanvin à Étienne Dao, en passant par Serge Gainsbourg. Ambiance, nous sommes le 3 juillet 1982. Allô? Allô ? Oui. Moi, ouais, je suis sur l'antenne, là. Oui, coco. J'ai envie de parler à Gainsbourg, parce que... Il est là. J'ai envie de lui dire que c'est vraiment une grosse tête de mort. Et j'aimerais qu'il rappelle, qu'il raccroche pas, parce que... Ça serait sympa qu'il m'écoute. D'accord, je t'écoute, coco. Et Sois sérieux un peu, sois pas... Tu un petit peu... depuis que Bertin est parti, t'as plein un petit peu la rage contre toutes les lettres et tu les insultes comme des chiennes parce que t'as pas pu la garder. Coucou, j'ai pas attendu Jane pour insulter les gonzesses parce que j'avais 40 balais quand je l'ai connu, espèce d'imbécile. Écoute ça, c'est pour toi, connard. Écoute bien. Une ordure. Et viens me casser la gueule si tu veux. Mais Carbone 14, ce n'est pas que de la provocation en pagaille. Des vagues de dérèglements hormonaux et des canulars sardoniques. On y entend de la très bonne musique, notamment du vieux rock et de la new wave, la musique qui fait fureur en Angleterre à l'époque. Parmi les émissions de Carbone les plus suivies figure même une émission de musique classique, figurez-vous. Mais chassez le naturel, il revient au galop. Et ainsi, la radio va se retrouver au centre de l'affaire Jean et Dernalier. Elle débute le 25 avril 82. Jean Edernalier a disparu depuis dimanche soir après un dîner en compagnie de confrères, de journalistes dans un restaurant de Montparnasse. L'écrivain français est un personnage de notre République des Lettres. C'est un talent incontesté, une personnalité beaucoup plus controversée en revanche, avec un côté un tantinet et mégalo qui a d'abord fait croire à un gag ou à une opération publicitaire. L'écrivain vient en effet de sortir un nouveau livre. Pourtant, après 24 heures d'incertitude, on prend maintenant l'affaire très au sérieux. Le lendemain, de mystérieuses brigades révolutionnaires internationales revendiquent l'enlèvement d'Ederne. Jusqu'au 4 mai, vers 1h30, où il réapparaît non loin de la porte Maillot. Selon des sources bien informées, cette histoire ne serait qu'une vaste supercherie. Quelques jours plus tard, Ederne Allier est l'invité de Carbone 14. L'alcool coule à flot. Fénoux, qui a tout manigancé, propose à Ederne Allier de dire que son enlèvement n'était qu'une imposture et qu'il est resté durant sa supposée détention dans les locaux de Carbone 14. L'écrivain se prête au jeu et concède de faux aveux. L'émission dérape, Ederne fait des révélations croustillantes sur sa vie privée sans se douter qu'il est enregistré. Il se vante, par exemple, de son appareil génital, ce qui est un peu aventureux devant un animateur qui s'appelle Rossex, mais bon, il n'en faut pas plus à plusieurs des animateurs de l'émission pour se déshabiller sur le champ afin de comparer les attributs de chacun. Ederne Allier prend la fuite et il est poursuivi dans la rue par quatre hommes nus. L'écrivain est carbonisé. Dominique Fénoux, le patron de Carbone 14, dira plus tard qu'il avait reçu des ordres de l'Élysée pour décrédibiliser l'homme qui avait osé révéler dans le Matin de Paris du 17 décembre 81 le cancer de François Mitterrand. Jusqu'en juillet 82, rien ne semble atteindre Carbone 14, pas même la création d'une commission censée statuer sur les dérogations accordées aux radios. Un sondage effectué au début de l'été 82 lui assure 400 000 auditeurs chaque jour. Carbone 14 bat même les audiences de France Inter la nuit. Quelle insolence! C'est l'époque où Jean-François Galotte, alias David Grossex, décide de tourner un film sur la station. Avec une caméra et la pellicule volée, il filme en 3 jours et 3 nuits le joyeux foutoir qu'est devenu Carbone 14, imprimant pour l'éternité le souvenir d'une radio sans tabou ni limite. Toujours est-il que le film sera sélectionné au Festival de Cannes, oui, dans la section parallèle perspective du cinéma français en 83. Et ce sera l'objet d'un nouveau scandale. Arrivé sur la croisette, les trublions de la radio ne trouvent rien de mieux que de caviarder les affiches des deux stars de l'époque, Delon et Belmondo, en écrivant « J'encule Delon, je suce Bébel ». Graffiti assorti d'un tonitruant, Carbone 14, notre film. C'est qu'une radio libre n'a de mots libres que dans ce qu'elle passe sur les ondes, mais pas dans le lieu où ça se passe. Et un soir, notre animateur vedette de Carbone 14, qui est Jean-Yves Laflesse, m'a téléphoné chez moi pour me dire « Voilà, il y a 6 ou 7 personnes qui sont là, ils ne veulent pas partir, ils sont... un peu éméché. Je me suis donc rendu à Carbone 14, puisque quand même c'est ma radio, c'est moi qui l'ai créée. Je ne veux pas tout de même qu'on me casse mon petit joujou avec lequel je fais mumuse. Donc ils étaient là, je leur ai demandé de sortir, ils n'ont pas voulu. Eh bien, j'employais des arguments détonnants. Le 25 janvier 1983, Dominique Fémus, que vous venez d'entendre, prend lui-même l'antenne pour annoncer sa décision de licencier deux des stars de la radio, Jean-Yves Lafesse et Super Nana. Selon le patron de la station, qui n'a pas sa langue dans sa poche, les deux animateurs sont devenus ni plus ni moins que des connards qui se volent leur courrier parce que l'un reçoit plus de lettres que l'autre. Le 1er février 83, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle publie la liste des 22 regroupements officiellement autorisés à Paris. Carbone est en péril. Le rapport qui épingle la station note, je cite, que... au nom d'une totale liberté d'expression, Carbone 14 s'est donné une image de marque délibérément non conformiste et provocatrice qui n'est pas sans rappeler le style du journal Harakiri. On a envie de dire, et alors ? Enfin bon. Cette volonté de provocation se manifeste de façon permanente dans nombre d'émissions relevant de la sexualité ou de la filouterie. Le rapport cite, entre autres, Poubelle Night, qui selon lui, exacerbe les tendances érotiques voire pornographiques des auditeurs. Et de stigmatiser le parti pris de vulgarité, je cite bien sûr, ou transverbale, trivialité et obscénité dont la radio se rendrait coupable selon les sages de la commission. Ce à quoi la directrice adjointe de Carbone 14 répondait dans une interview qu'elle donnait peu de temps avant sur France 2. Il est certain que Carbone 14 peut être considéré comme une radio provocante et qu'elle doit déranger quelque part. On correspond à un besoin, c'était pas évident quand on a créé Carbone 14, mais aujourd'hui on peut appeler ça un phénomène social. On a plus de 500 appels par jour, on reçoit un courrier absolument extraordinaire qui correspond à tout un tas de fantasmes et puis aussi à tout un tas de problèmes sociaux. Fénou a beau tenter par tous les moyens de faire jouer ses relations au sein du PS, et notamment auprès d'un certain Bertrand Delanoë, rapporteur au PS auprès des radios libres à Paris, rien n'y fait. L'avenir se bouche de jour en jour pour la station. L'âge de guerre est déterré entre le pouvoir qui a rendu possible l'aventure Carbone 14 et la radio elle-même. Fénou, jamais à court d'une vindicte flamboyante, pète carrément les plombs à l'antenne le 5 mars 83 et ose s'en prendre directement à François Mitterrand, l'accablant d'insultes. Traître, petit Pinochet, infâme salope, vieil enculé. Par Mitterrand, je rappelle, hein. Sans oublier des allusions insistantes à l'homme qui a reçu la Francisque par Pétain en 42 à Vichy. Fénou y gagnera un sévère contrôle fiscal pour son entreprise. Deux semaines plus tard, le journal Libération écrit la chronique d'une mort annoncée, celle de Carbone 14. Le 22 juillet, une semaine avant le délai de fin de mise en conformité, des avertissements sont adressés par la Haute Autorité aux 15 radios pirates qui persistent à diffuser leurs émissions. Carbone 14 en fait évidemment partie. Mais la radio résiste et poursuit ses émissions comme si de rien n'était. Ainsi, Super Nana continue de prendre l'antenne pour son émission devenue culte, Poubelle Night. Mais le mercredi 17 août, les locaux de Carbone 14 sont envahis par la police. Super Nana est aux avant-postes. Ils sont rentrés à peu près une cinquantaine dans la station. Alors, il y avait à peu près une centaine de personnes en tout, à savoir CRS. Deux escouades de CRS qui ceinturaient le quartier. Qui ceinturaient le quartier. Il y avait donc des inspecteurs, le procureur de la République, juge d'instruction. Ils ont coupé tout de suite les micros pour que rien ne passe à l'antenne. Ils ont pris tout le matériel, ils ont démonté l'antenne, enlevé l'émetteur, enfin, il n'y a absolument plus rien. Le voisinage avec France Musique est la principale raison mise en avant pour justifier cette procédure. Dominique Fénoux, en séjour en Corse, apprend la nouvelle par téléphone. Il ne comprend pas comment un pouvoir qu'il avait soutenu a pu agir de la sorte. Le 17 août dans l'après-midi, une autre radio a déjà pris la place de Carbone 14 sur la bande FM, c'est Fréquence Gay qui émet à son tour sur 97.2. Carbone connaîtra un bref retour de flamme de février à juillet 1986. Super Nana fera partie de l'aventure, ainsi que quelques anciens piliers de la station, comme Madame Globo. C'est l'époque où un certain Arthur fait ses débuts en radio, présentant le Flash Info quotidien sous le pseudonyme de adjudant-chef Bachet. Bruno Gassiot anime ses premières matinales. Mais Carbone 14 est basée dans une zone de la bande FM saturée par de gros émetteurs et elle peine à se remettre en selle. Dominique Fénoux décide de jeter l'éponge et reconstitue alors la radio sous une autre forme, en Corse. Super Nana fait le voyage pour encadrer l'équipe, mais Fénoux, par lassitude, cédera le réseau à Europe 2 en 1988. La fermeture définitive de Carbone 14, Paris, après les élections législatives de 86, marque la fin d'une période pionnière des radios libres. Elle marque aussi le début de la consolidation de la FM en réseaux commerciaux, parfois appuyés sur des grands groupes radiophoniques. Tel le pavillon lointain d'une époque à jamais disparue, Carbone 14 aurait été l'un des fers de lance de l'âge d'or des radios libres, cet âge où justement la liberté de parole ne semblait connaître aucune limite. Comme disait Jean-Yves Lafesse en 2011, au départ on n'avait pas d'autre intention que de déconner à fond la caisse et de rallumer un peu la nuit à Paris par l'intermédiaire d'une radio. Je crois qu'on a réussi à ouvrir les oreilles de pas mal de gens. Le paysage radiophonique s'est donc décarboné, mais ne dit-on pas que ce qui n'est plus carboné est renouvelable ? Toi, toi, mon tout, mon roi. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Carbone 14, dont nous allons parler avec notre invité, que vous entendez déjà, Jean-François Galotte. Bonjour. Enchanté, enchanté. animateur sur Carbone 14 que les auditeurs connaissaient sous le nom de David Brossex. Eh bien, enfin, plus maintenant, à 69 ans. Bon, je ne vais pas les vérifier, mais c'est David Brossex. Essayez de comprendre quand même, essayez de comprendre, hein, à 69 ans. Alors, il y a un livre aussi, si les auditeurs veulent aller plus loin, chez INA Édition, Média Histoire, intéressant, qui s'appelle Carbone 14, Légende et histoire d'une radio pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres, en effet. J'allais vous poser la question pendant le déjà. J'y pensais dans oui, j'y je pensais dans ici, soir, non, je peux pas dormir ici, amener des copains, des copines, bon. Refaire un peu tout ça. Bon, on va voir, on va déjà essayer de faire ça, hein, jusqu'à 16h. D'accord. Et je me disais, je vais lui demander si ça le fait rire encore. Bah, j'ai eu la réponse. Oui, ça fait rire. C'est plus le même rire aujourd'hui qu'à l'époque. N'empêche que ça fait rire encore. Ah oui, ça me fait rire, oui. Oui, parce que il y a pas seulement quelque chose de naïf, il y a aussi une volonté de on voit bien qu'on a une jeunesse qui à un moment donné a envie d'y aller à fond, quoi. Ouais. On sort des années Giscard d'Estaing quand même, hein, qui est une chose très importante. Là, on pouvait passer à 21 ans, je crois qu'on avait là, c'était là, on n'était plus adolescent, on devenait majeur, et là c'était 18 ans. Il a fait passer à 18 ans. Il y a 18 ans, voilà. Bon. On était quand même, on était serré, et quand c'est arrivé ce truc-là, ça a été du pain béni, quoi. Mm. D'ailleurs, on demandait pas d'être payé, on s'en foutait, on avait vraiment envie de parler. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer? Oh, bah, je veux dire, c'était vivant. On le voit bien, mais. Oh, c'est vivant. Et puis bon, les noms, on n'allait pas s'appeler avec nos noms, on allait s'appeler avec d'autres noms, Gros Sexe, Pierre Nana, machin. Enfin, je voyais des tas de trucs. Mm. Il fallait que ça ait quelque chose qui respire. Il fallait faire respirer, quoi. Mais... Et je crois que c'est 1500 radios qui sont nées de télé. De ces télé-livres, 1500 il y en a eu dans toute la France, ah, ça a fait du bien, quoi. C'est quelque chose qui était formidable. Mais bon, après, comme d'habitude, le gouvernement, au bout d'un moment donné, est né la haute autorité, et ça a été autre chose, quoi. Et vous me disiez tout à l'heure, c'est dingue qu'on en parle encore comme ça 40 ans après. Ah oui, je ça vous étonne. Et pourquoi ça vous étonne? Après tout, c'est normal, parce que ça a été un moment de notre histoire dans ce pays, un moment de notre histoire radiophonique. Moi, je trouve ça, au contraire, assez normal qu'on en parle après. Vous, ça vous étonne, pourquoi? Ah, moi, au bout de 40 ans, effectivement, 40 ans. Eh ouais. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est comme moi, en 70, avec la guerre de 40. Je pensais que, voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu quand même tout un public. Des gens de mon âge, ou certains d'ailleurs, qui trouvaient ça très très bien, quoi, qui disent qui s'en souviennent encore, qui se souviennent d'émissions, de passages. Il n'y a pas que c'est les émissions qu'on faisait nous, il y a aussi d'autres émissions, comme vous avez dit, sur la musique, sur un peu de tout, sur les voleurs, sur ouais. comment rester avec une femme mais pas trop longtemps, ou comment rester avec un homme et s'en débarrasser. Enfin, il y a des tas de choses qui existaient au niveau de la vie, qui correspondaient tout à fait à la génération. Bien sûr. Comment vous est venue l'idée de ce surnom à l'immodestie remarquée, David Grossex? Bah, c'est mon frère. Comment c'est ça mon frère, parce qu'à l'époque, on vivait tous dans un... c'est lui qui a dit, bon, bah, faudrait que vous trouviez d'autres noms, puis il nous a donné des noms comme ça. On dit, bon, bah, pourquoi pas, Robert Le Haineux, qui est Michel Fizbin, oui. José Lopez, moi aussi, qui c'est, voilà, on avait, d'ailleurs, on a formé un groupe, tous les trois. Et puis voilà, après quand il a vu Jean-Michel a vu la petite annonce dans Libération, on a foncé là-bas. Puis lui, ils ont tout de suite vu qu'il connaissait tout, qu'il avait la matière grise. C'est lui qui a tout organisé quand même. Mmh. C'est lui qui a mis tout sur pied. Et je veux dire, c'était quelqu'un qui a su faire le. Bah, comme je dis moi, c'est il a tout de suite pris et senti ce qu'il fallait faire. Donc il a vraiment tout organisé, puis ça a été vraiment bien fait, d'une manière à dire aux gens, vous voyez, vous allez faire de la radio, ça va être... mais nous on n'y connaissait rien, on arrivait, et c'est ça qui est formidable aussi, c'est qu'on n'a rien à y connaître, on avance là-dedans, il n'y a pas besoin d'être dans une école et tout, on est là, on avance, et vas-y je prends l'émission, donc les premières émissions c'était... D'où le côté un peu bordélique, mais c'est complètement bordélique. Qui faisait le charme de la c'est chose. C'est ce bordel-là aussi. Qu'il faut aujourd'hui, qu'il n'y avait pas à l'époque évidemment, mais qui a eu, et c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui sont venues, qui sont rentrées de temps en temps dans le studio, et... Vous n'êtes pas des professionnels. Alors déjà, ça, bon, on savait pas ce que ça vraiment voulait dire. Et puis en plus, bon, je pense aussi à Souchamp qui avait été acheté des platines pour les disques. Pour les disques, ouais. Oui, puis c'était gouré. Il s'était trompé. Il avait pas acheté le matériel qu'il fallait pour le studio. Même ça, on savait pas le faire. Mais c'est venu peu après. Et puis après, là-dedans, évidemment, il y a eu une rivalité perpétuelle pour d'aller de plus en plus loin dans les émissions, de faire un peu tout et n'importe quoi. Mais des fois, ça parlait à tout le monde, quoi. Bien c'était sûr. L'esprit de l'époque, quoi. Vous aviez donc aussi l'insouciance de la jeunesse. La moyenne d'âge, c'était entre 20 et 30, j'imagine, vous tous. 74 ans, tous, on avait tous. Hein, c'était entre 20 et 30. Oui, oui. Donc j'imagine qu'avec l'insouciance de la jeunesse et cet espace de liberté qui existait à l'époque dans les années 80, oui, est-ce que malgré tout, bah oui, la radio, ça passe aussi par là. C'est normal, ça, quand même. Vous êtes au micro, là. Oui, ça fait presque une heure, alors, s'il vous plaît. Bon. Excusez-moi, mais bon. Bon, j'ai oublié la question que je voulais vous poser maintenant. Bravo. Ça, c'est du carbone 14, voyez. Bon, alors, est-ce que parfois, vous vous disiez, avec l'insouciance de la jeunesse, quand même ça, on va peut-être pas oser. Ou alors, le postulat, c'était que, allez, on ose tout, puis on verra bien ce qui arrive. Bon, écoutez, on est bénévole, on n'est pas payé, on dit ce qu'on veut. Voilà. Ouais. On arrivait tous les jours avec quelque chose, après tout, il n'y avait pas forcément un directeur qui allait nous dire, on dit, ah, tiens, on a qu'à essayer ça, et puis voilà, ça partait comme ça. C'est parti, d'ailleurs, grâce à Michel Fizbin, qui a commencé, lui, avec son de se faire attraper là, par quelqu'un dans le studio, voilà, tout le monde, ah ouais, parce qu'il était fan, on était tous fans d'Orson Welles. Ça vient aussi d'Orson Welles, tout ça, là. On s'est dit, oh, mais tu as vu ce qu'il avait fait avec le gag. Avec les extraterrestres, tout ça, là. Alors, nous sommes envahis, ouais. Mais d'un seul coup, ça a réveillé, mais tout le monde dans la station. Il y avait des belles émissions, d'ailleurs, de Chouchan et de Spiteri. Il y avait des feuilletons déjà en route, mais d'un seul coup, ça s'est mis en route, quoi. Mmh. Eh bien, on s'est dit, bah, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas. Allez, on va faire réattirer les avions à Orly. Allez, on va faire. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient insensées, naïves, mais fortes. Les gens savaient qu'on leur parlait. Ils ressentaient qu'ils étaient comme nous, quoi. De toute façon, on n'était pas payés. Il n'y a jamais eu de publicité. Il arrivait de la publicité. Il venu rêver de la publicité. Il n'y en a jamais eu. C'était impossible. Publicitaire lui-même. Oui, les mecs foutent le camp. Mais quand même, les commerçants du coin, eux, on leur disait, voilà, tu nous fais des crêpes gratuites et on parlera de toi tout à l'heure. Mais je peux te dire qu'il en a vendu des crêpes. Aujourd'hui, c'est un des plus grands crêpiers de France. McDonald's nous doit beaucoup. Alors, j'en arrive à la question incontournable, vous y attendez, bien sûr. Quel est le regard, votre regard, sur la période actuelle? Oh là, c'est la question piège, ça. Ah bah oui, elle n'est pas piège, elle est attendue, celle-là. Non, je n'accepte pas cette question. Bon, vous avez raison. Bon, à l'époque, c'était des fake news qui faisaient rire. Aujourd'hui, c'est des fake news qui sont pris au sérieux. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est une belle formule. Ouais. C'est terrible à dire. Toutes les conneries qu'on faisait, nous, les gens s'aperçoivent qu'on n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, si on disait, bon, la Terre est plate. Bon, ben ça peut marcher, quoi. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on ferait la même chose? Je pense pas. Mais c'est vrai que le film Hold Up a révélé un peu tout le danger, toute la connerie dans laquelle on vit un peu, dans le mensonge, dans faire croire. Oui, puis en plus, ils sont pas drôles. C'est ça qui est drôle, parce que si vous les rencontrez, ils vous mettent à vous gueuler dessus. Ils sont, en plus, comme s'ils avaient raison, en plus. Alors que là, nous, Mick Jagger est mort. Bon, on est tous avec des bougies devant l'hôtel Crillon. On prie tous, vie, reviens. Et puis bon, lui appelle en disant, voilà, bon, ça se fait comme ça. Allô, je suis pas mort, en gros. Non, oui, il a appelé. Je suis pas mort. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il est toujours pas mort et c'est formidable. Mais aujourd'hui, si vous faites une fake news là-dessus, alors là, c'est. Mais s'il est vraiment mort, si, même c'est pas lui qui a parlé tout à l'heure au téléphone, évidemment. C'est pas possible, c'était pas lui qu'on a vu à la télévision, c'est pas vrai, on nous ment. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes face à des parano et des complotisme, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, ça serait difficile. Mais quand même, sur j'ai bien répondu à la question, là, parce que... Vous avez moyennement répondu, c'était intéressant, mais pas complètement, donc j'y reviens. Ah, d'accord. Sur le terrain des libertés, c'est-à-dire que les gens disent aujourd'hui, mais on peut plus rien dire, c'est pas possible, alors c'est peut-être vrai, je sais pas. Quel est votre regard là-dessus, par rapport à une époque où, en tout cas, et ça c'est vrai, on pouvait tout dire? Bon, dans toutes les époques, on n'a pas pu tout dire non plus. C'est vrai. Hein, monsieur le Président, je vous envoie une lettre. Vous savez, ça avait été censuré, il y a ça toujours, Camus, tout ça, enfin, je vais pas refaire l'histoire. je sais pas comment dire là-dessus. Redites-moi la question. Est-ce que vous sentez, vous, qu'aujourd'hui, l'espace de liberté de parole, il s'est réduit, voire considérablement, par rapport aux années 80? Ben, ça a un peu changé, je trouve. Aujourd'hui, la liberté d'expression, disons, ceux qui revendiquent la liberté d'expression, c'est l'extrême droite. Hein, les Zemmour et compagnie. Ça, déjà, c'est la grande surprise. On est surpris d'un seul coup. Ça veut dire que nous a échappé quelque chose dans l'histoire. Peut-être que c'est un peu la faute de Mitterrand des socialistes quand ils ont dit il n'y a plus de lutte de classe. Ça a commencé peut-être comme ça, tout simplement. Et d'un seul coup, bah oui, aujourd'hui, bon, bah, Éric Zemmour, d'ailleurs, qui veut supprimer France Inter, il a dit qu'il voulait tous vous virer. Vous êtes au courant, quand même. Vous l'avez déjà entendu. Il a dit, c'est trop à gauche là-dedans, faut tout ça dehors. Donc, c'est un de ses programmes. Donc, ça faisait pas partie de nos programmes. Mais voilà, quand même, quelque chose, D'accord. Et quel était maintenant votre regard sur les radios? Bien installé, genre France Inter, Europe 1, RTL, quand vous faisiez votre radio, est-ce que c'était un contre-exemple ou est-ce que c'était une banane, nous on fait de notre chemin, de notre côté, pas forcément en opposition aux gros médias? Bah, disons qu'à l'époque, on avait l'intention, parce que on avait la culture américaine et anglaise, et ça dormait. On avait l'impression que ça dormait, quoi. On avait surtout un profond sommeil, voilà. Et on écoutait tous, évidemment, beaucoup Inter, avec les émissions de l'après-midi, qu'il y avait beaucoup, hein. Et puis, vous savez, on était assez, en plus, on était fans. Ouais. C'est toujours tout ça qu'il faut dire aussi. On est fans de ces émissions-là. On est, on écoute les émissions comme Claude Villers, tout ça, c'était fabuleux. Et, donc, d'un seul coup, toc, on est derrière un micro. On parle à tout le monde à 15 km dans Paris. On joue à ces trois inter. Ah, oui, bon. On attendait que nous, on nous parle de nous. D'ailleurs, Michel avait lancé pas mal des comment ça s'appelle des tracts, des flyers, des quoi. Un truc qui n'existe plus. On envoyait des papiers. Allez, dans tous les journaux. La télécopie. Oui, un peu. Le fax. Le fax. La télécopie. Oui, à l'heure du téléphone portable, je ne sais plus où j'en suis. Moi. Bon, en tout cas, vous partez pas. Hein. On va écouter Malik Djoudi. Ah bon, parce que je m'en vais là, moi. Hein. Ah non. Malik Djoudi est là. C'est une autre télé libre. On écoute Point Sensible. Vous restez là. On parlera d'autre chose après. Montre-moi ton point sensible. Moi, Jean-François Galotte, cher monsieur gros sexe, qui est ce Dominique Fénu? Alors, vous dites Fénu, moi j'ai pensé Fenou, parce qu'il est corse, mais bon, c'est Fénu, d'accord. Personnage énigmatique, important quand même pour cette radio. Parlez-moi de lui. Ah bah c'est un homme d'abord de caractère. Il arrive au moment donné où il a quand même une boîte de... Comment on dit De pub. De pub, voilà, c'est ça. Et donc, bah, il décide tout simplement, quand il sait que les radios libres existent, il tente le coup, quoi. Bon, c'est vrai qu'il est un peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu à gauche, un peu à droite, puisqu'il y a un monsieur Yves Lancien qui fera virer d'ailleurs, puisqu'il verra qu'il y a beaucoup de jeunes dans la station, donc il se dira, bon, ben, il vaut mieux faire plaisir aux jeunes qu'autre chose. Après, je pense qu'il était un peu sec, un peu raciste même, faut le dire. Mais quelque part, d'un seul coup, il va se rendre compte que là, comme chaque personne qui est rentrée dans Carbone 14, même lui d'ailleurs, même s'il était un peu dur des fois, mais il va se trouver. Il va trouver sa personne, va arriver à se trouver. Ça a été la force de cette boîte, de cette station. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire se trouver, c'est-à-dire que Jean-Yves Lafesse, par exemple, et je fais un petit bonjour à Cécile, sa femme, et tous ses enfants, Voilà, hein, parce que je pense quand même bien souvent à eux. C'est-à-dire que lui, oui. Au début, s'appelait... Qui nous a quittés au mois de juillet. Au mois de juillet, ça, c'était dur parce que moi, je le prenais... C'était un poète, quand même. Pour moi, c'était un poète. Mais les gens l'aimaient bien. Hein. Il aimait bien les gens, et puis dans la rue... Non, mais les Français l'aimaient bien, au-delà de Carbone 14. Oui, et c'est ça. Je pense que ça, c'est ce contact qu'il avait avec les gens, sa manière de faire, et ben ça, c'est grâce à Carbone 14. Parce qu'au début, il se faisait appeler la porte merci. Mais comme il a vu que moi, gros sexe et compagnie, il a décidé la fesse merci. Mais je trouve que ce contact qu'il avait, qui était exceptionnel quand même, c'était quelqu'un très très fort. Vous voyez quelqu'un dans la rue, et d'ailleurs, ça fait toujours rire tout le monde. C'est du comique qui ne vieillit pas. C'est Mister Gag, oui. C'est toujours frais. C'était quelqu'un qui était très curieux, qui était quand même très intelligent, et à la fois qui. Ben voilà, il s'est découvert. Ouais. Voilà, et moi j'ai trouvé ça fort, et il n'était pas le seul d'ailleurs. Il y en a et Fenou s'est découvert aussi. Fenou, lui, s'est découvert. S'est découvert quoi? Lui, s'est découvert que d'un seul coup, il était comme un homme politique, quoi. Il arrivait d'un seul coup, la manière dont il insultait Mitterrand, il insultait Dogan, et puis il y allait pas avec le dos de la cuillère. Ah, non, on l'a cité. Il était capable de. Puis la haute autorité, puis tout le monde. C'est vrai que des fois le coup de fusil avec les mecs, mais pas seulement. Hein. Il était capable de nous virer, il était capable. D'ailleurs, il virait, mais il reprenait la personne après. Mais c'était vraiment quelqu'un qui avait des idées très très très déterminées et qui d'un seul coup, quand il découvre son homosexualité, toutes ces choses-là, c'est la grande curiosité. Moi, j'étais sur le cul. C'est-à-dire que d'un seul coup, quelque part, quelque chose qu'il n'osait pas avoir en lui. Et là, d'un seul coup, là maintenant, il est décédé. Et moi, il m'avait envoyé une lettre à la fin. À moi, alors qu'on se supportait pas tous les deux. Ouais, moi, j'étais coco, alors lui, il me supportait pas quand il me voyait. Il dit, toi, arrête de siffler, arrête de faire siffler, tu m'énerves. Mais à la fois, il a bien vu qu'à un moment donné, il avait besoin de moi. Quand je lui ai proposé de faire le film, il m'a dit, non, jamais tu feras un film ici chez moi, je veux pas de toi chez toi. Enfin, c'était toujours chez lui. Donc, il a quand même fallu l'aide de Michel Fizbin Le haineux. Le haineux, voilà. Parce que, ouais, le haineux. Et qui, lui, l'a forcé. Finalement, ces images existent grâce à ça. Mais sinon, oh là là, le sale type que ça pouvait être, c'était énorme, quoi. Est-ce que vous aviez des limites, quand même? Est-ce que vous disiez, allez, on déconne, à fond, mais quand même, il y a des thèmes sur lesquels on va pas déconner? Bah, aucun. Bon, c'est clair. Pas dans la station en disant, de toute façon, le chef, il est là-haut. Aucune limite. Il n'y a pas à avoir de limite aujourd'hui. Enfin, à cette époque-là, la radio, il y avait tellement de choses qui n'avaient pas été faites. C'est pour ça que c'était assez formidable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le spectacle n'était pas que sur les ondes. Il était dans le studio radio. Ah oui, bien sûr. Oui, il faut pas. Beaucoup de gens m'ont dit que ça avait été inventé un peu dans le film. C'est vrai qu'il y a une mise en scène, mais c'est vrai qu'il y avait ce climat de violence. C'est vrai, il y avait la drogue, il y avait tout. Et puis il y avait quand même des choses qui étaient assez nouvelles. Moi, je parlais de Madame Globo, par exemple. Je me souviens de cette Madame Globo qui avait 22 ans et qui faisait une vieille. Et à la fin, tous les vieux le dimanche étaient sur la chaîne. Et ils ont jamais voulu croire que c'était un mec de 22 ans. Et ben alors, ils leur donnaient des conseils, etc. Ça, c'est des moments qui sont quand même très joyeux. Vous avez parlé d'Étienne Dao. C'est vrai qu'ils sont venus. C'est vrai que il y avait beaucoup de groupes qui venaient, mais il y a Indochine, enfin pratiquement beaucoup beaucoup de gens. Gérard Lanvin est venu, c'est vrai, il est reparti, il était complètement bourré, on le reconnaît complètement, parce qu'en plus, c'est vrai que c'était des soirées assez festives aussi, hein. Ça partait dans tous les sens. Ouais. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé avec Ciné était complètement injuste quand on l'a taxé d'antisémitisme. Ce mec d'abord c'est quelqu'un de un grand artiste, mais en plus on était complètement bourré, donc à des moments donnés, on était comme à la maison quand on déconne autour d'une table et qu'on se dit pas qu'il y a un micro. Tiens, il y a un micro là. J'ai pas vu. Tu t'as vu quand t'es bu. quand t'as bu, oui. Voilà, c'est ça qui plaisait beaucoup, je pense. Alors, c'était quand même très axé sur le sexe. C'était une façon de faire parler de vous et d'attirer les auditeurs, ou alors une façon de déboutonner la société que vous trouviez peut-être pudibonde. On sortait de Giscard d'Estaing quand même. C'était pas évident. Il y avait plein de choses. Il a fait un truc sur le divorce, lui. On pouvait maintenant plus accuser sa compagne, on pouvait divorcer comme on voulait. Oui, c'est parti. À l'amiable. À l'amiable. Voilà. Ouais, c'est Giscard. Vous avez divorcé, vous, non? C'est Giscard qui a... Et vous, à cette époque-là, vous avez divorcé, non? Pas à cette époque-là, non. On apprend des belles. Vous avez vu, hein? Oui. Est-ce que vous pensez que... Tiens, le film, je reviens sur le film. Ah ben non, on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez 40 secondes. Oui, 40 secondes. Vous avez fait ce film pourquoi? Parce que vous vouliez montrer justement que le spectacle n'était pas que sur les ondes, c'est ça? Il fallait montrer les fameuses coulisses. Question documentaire, le problème de la France, c'est de jamais documenter son présent, sauf maintenant avec toutes les caméras qu'il y a. Donc il y avait pas. Donc moi je me suis dit, il faut faire le film. Et puis voilà, il fallait garder une trace parce qu'il y a très peu de traces à part Lorraine Cœur d'Acier, je crois, il y a 2-3 films, il n'y a rien. Donc c'est comme ça qu'on fait disparaître notre histoire. Il y a 57, allez-y. Parfait, c'était, ça sera le mot de la fin, c'est très bien, c'est comme ça qu'on fait disparaître notre histoire, c'est pour ça que j'ai fait le film. Bravo, c'est une belle fin. Jean-François Galotte, merci infiniment d'être venu nous voir et d'avoir partagé vos souvenirs. Merci, oui. Non, oui. C'est fini. Non, c'est fini. C'est fini, c'est quoi? Non, mais je voudrais... Ouais. Non, c'est fini. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Carbone 14, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmarais. On m'a volé mon sac.